Écoute ce son balèze, laisse qui te met à l'aise. Laisse DRB Unite, écoute ce rythme insolite qui cogite donc agite les bras comme le font les cobras. Avant je n'étais qu'un bête rappeur voulant montrer mes valeurs, mais dis-leur que c'est en groupe qu'elles prennent de l'ampleur. RB Unite est créé pour l'éternité, mais ma réplique rapplique sur ma clique. Non non, elle n'a pas changé, c'est le freestyle rital. Je rigole rital, mon rap est radical et ça c'est vital. Trop d'MC dans la concurrence qui donne de la cadence sans aucun sens ni d'importance, qui essaient de clash mais se prennent des crashs. Au lieu d'avancer ils ne font que freiner. Je suis pas là pour juger ni pour te respecter. Je ne fais que t'enflammer, te brûler au troisième degré pour mieux te fumer. Et sache qu'il est encore trop tôt pour que je lâche le micro.